Température. Température, le pouls de la société locale, le pouls de la société sénégalaise, une vision sur le monde. Température, ni ngeen ko gissé, ni ngeen ko yégué. Kaddu askanwi, sen kaddu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam. Ñong lay ziar. Nahnu kazalika. Voilà, mam sen dañuy gërëm bëpp bu ciéss wax bi nga xamni ba nga yégué verdict bi. Dal nga dalal ñanga ñu tok sa wét. Dalal sa koñ dal di rawati na yeen presse. Ak ñi ngeen invité parce que encore une fois li day wone ni Sénégal c'est un grand pays. Ak lu mënti xewi tamit c'est le Sénégal lañuy jël tek ko ci kaw faté suñu bop. Ci ci gëreum ñepp rawati na wa PDS bu ciess. Rawati na jeen yi nga xamné xamna leen bu baax sen engagement ak sen détermination ci Ablaye Wade ak Karim di leen xamal Sénégal mo solo li yépp. Yoon nak nek na lo xamni lu doy war la lu egui la li rek da ko firndel mais nañu xamni ku ne jaar na prison nek ku mag ci rew mi rawati na bo xolé ñu melni Mandela jaar nañ prison dafa ay ati tay wax na ni kuy tuddu un homme éminent politique dans le monde mo ci génné Nelson Mandela donc c'est pas pour dire que Karim togn na wala togn mais Sénégal dañu jox ciir justice dañu jox ciir décision donc vraiment justice lolu mo fi yag am Mamadou Diassé c'est un procès bi nga xamni politique mais yalla def na ba légui ma sha Allah Sénégal avancé na nek yenen Karim Wade c'est un sénégalais kenn mënu ko ko bañal kenn ñaanal ko lu bon mais yoon mo ni mel na ñi toga defru wat politiquement moralement socialement xamni Sénégal mo ni mel yoon aussi fokk nu doxal ko ni nga xamni nak ñoo yor pouvoir bi dañu xamni aussi la crise est là sera toujours là et va demeurer nañu wowe Karim Wade ni nga xamni jégué na lool Wade nako Mansour Faye Aliou Kalin Sall keneen ak keneen ku jégué Macky Sall ak Marem Faye Sall nañu xamni ëlëk aussi dañu saytu lañu yor lool mu may nekk lu leer ñun Macky lañu andal mais dañu gis ni mu démé xamni ëlëk ci tamit ku fi kuñ fi tuddu ngor ay milliards yépp ay voitures de luxe ay entreprise dañu xol bo mëne léral ñu bala nga dem bo mënta léral ñu fëgg la 6 ans wala ñu triplé ka Sénégal mo ñu ñor mo upp solo lepp donc kri ñi fi nekk ni jéek ëlëk buñ fi jogé dañu lañ wo 1 na 1 ni ko ministre bi waxé ñepp dégg nañ ko ce n'est pas que Karim lañuy poursuivre il y a des gens qu'on a interdit du territoire dañ koy ñaan nonu gouvernement nañu appliquer donc cette décision képp ki nga xamné woon nañ la le poursuivre parce que amna lo xamné mi ngi bëgg ñaaw ci mbir bi da ben koy wax on est avec Macky Sall neppuñu ko waye tamit le fait que ñu relaxé ondjay né no lié man dama koy wax ku nekk diko wax samay mbokk sa affaire né len lool dina nekk luñu yakal parce que awandjay dañ ko épingle ci lu woor xalé bu juddu barki dé ma xamna kuy awandjay kuddu donc ban justice mo koy may non lié di juger kenen non il faut ñu waxante deug même si on est avec Macky Sall aw ndjay mom juste bu ko relaxé man doyuma jere jeuf merci